Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et cette semaine je suis accompagné par un grand voyageur, une vedette internationale, mon collègue et ami Marc Bouchard. Salut Marc. Rien de moins mon cher, rien de moins. En direct de écoute, Los Angeles. Ouais, ou d'ailleurs je suis à veille d'avoir mon étoile sur le Hollywood Boulevard probablement. Tu sais que ça coûte 13 000 $ avoir ton étoile? Hein? 13 000 $ par année? Ouais, c'est ça, US. Ah. Ouais, c'est donc parce que c'est 35 toi 000 Canadiens c'est toi, à peu près. C'est toi qui paye l'entretien. Là. Oui. Non, je suis pas rendu là encore, mais je dois te dire que je suis allé marcher sur la tête de beaucoup de vedettes parce que oui, je suis allé sur le Hollywood Boulevard et j'ai marché sur les étoiles en question. Oui, ça a l'air d'une belle place. Je ne suis pas allé encore, mais ça ne serait tardé car ma petite famille va aller faire un tour à Walt Disney en Californie. Donc, j'imagine qu'on ira peut-être faire un petit tour dans ce coin-là pour visiter, faire le touriste. Donc, Marc, j'espère que ça se passe bien là-bas. On a 3 heures de décalage. Donc, moi, c'est le soir. Toi, c'est l'après-midi qui se termine. Alors, on va essayer de faire un show cohérent quand même si on a 3 heures de décalage. On va espérer que ça paraît pas dans l'émission. Écoute, je pense pas que ce soit le décalage qui va faire qu'on soit incohérent. On est très, très capable de faire ça, même quand on est dans le même fuseau horaire. Ouais, même très reposé, tout ça. Donc, c'est ça. Bonjour tout le monde. Une émission qui est pas en direct devant la foule cette semaine. L'émission de la semaine passée, comme vous avez entendu, on était live devant public. Ça a été une belle expérience. Ça a été le fun de voir Marc et de faire le show avec lui face à face, mais c'est pas quelque chose que je recommencerai toutes les semaines. Mais bon, c'est correct. Je m'en suis remis et tout est correct. Bon. D'ailleurs, on vous invite, hein, si jamais ça vous intéresse, allez sur la page Facebook de Ça roule Radio. On a mis le lien pour aller voir cette émission-là. Effectivement, vous allez nous voir à l'œuvre avec nos magnifiques polos de Ça roule Radio, que d'ailleurs, je t'ai toujours pas payé, mon cher. Ben non, c'est correct. Je t'ai habitué. Les dettes s'accumulent. Qu'est-ce que je te dis? C'est pour ça que j'ai pas une scène. Tout le monde m'a loué de l'argent. La journée que tout le monde va me payer, m'a venir riche, m'a acheté une Porsche, puis m'a une grosse maison. Puis la patente. Non, c'est pas vrai. Donc, on va commencer l'émission. C'est assez, les niaiseries. On va commencer l'émission. Je veux vous parler d'un petit projet que j'avais mis de l'avant, là, à peu près, 2-3 ans. Moi, je reste dans une petite municipalité de la Montérégie. La Montérégie, c'est grand. Là. Marc reste en Montérégie, moi aussi, puis pourtant, on n'est vraiment pas proche l'un de l'autre. Moi, je reste dans la belle région de Saint-Zotique, qui est proche de Valleyfield. Puis, il y a quelques années, j'avais lancé une perche à l'eau. J'avais lancé une ligne à l'eau à la municipalité en disant, tu sais, ça serait le fun d'avoir des bornes de recharge voiture électrique dans notre coin parce que, ben, il n'y en a pas. Puis les gens viennent pas nécessairement dans notre coin parce qu'il n'y a pas de bornes. Puis avoir des bornes, ben, on aurait peut-être des gens qui viendraient faire un tour. T'sais, on a une super belle plage, une des 10 plus belles plages au Québec, pour ceux qui le savent pas. Là, venez faire un tour à la plage de Saint-Zotique, c'est magnifique. Et puis, ben, c'est ça. Donc, ça n'a pas nécessairement levé. À un moment donné, j'ai relancé un peu la municipalité en disant, ben, est-ce que le projet est mort? Avez-vous oublié ça? Dit, non, on est en train justement de regarder ça. Faut que ça passe dans les budgets. Ça, c'est assez compliqué, là. Ceux qui travaillent dans les villes et ces choses-là sauront que ça passe pas nécessairement du jour au lendemain. On décide pas une journée de faire quelque chose, puis le lendemain, le projet est en marche, là. Donc, ça a pris un peu de temps. Et puis, j'ai reçu un tweet la semaine passée qui me disait « Oui, on annonce les bornes cette semaine. » Donc, j'étais au courant un peu du projet. Je savais que ça s'en venait, mais j'avais pas de date précise. Donc, ça a été annoncé mardi, comme quoi les bornes allaient être installées. Donc, on va avoir des bornes de recharge à l'hôtel de ville de la municipalité et aussi à la plage. Donc, on va avoir 4 bornes de recharge. Donc, puis ça va être gratuit. C'est avec le groupe Azra qui ont des bornes déjà un peu partout au Québec. Ils ont, si vous connaissez la cité de Mirabel où il y a un restaurant, il y a un Subway, puis il y a quelques magasins, ben il y a une borne de recharge rapide qui est là. Donc, nous, on n'aura pas nécessairement de borne de recharge rapide pour l'instant, mais ça pourrait venir, à ce que je sache. Et puis, mais on va avoir des bornes de recharge régulières. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour à Saint-Zotique cet été avec votre voiture électrique, venez vous baigner, ben vous allez pouvoir venir. Puis en plus, les recharges sont gratuites parce que Azra, ben, les recharges sont gratuites. L'installation des bornes aussi sont gratuites pour la municipalité. Eux autres font de l'argent avec la publicité. Donc, il va y avoir de la publicité sur les bornes. Puis c'est avec ça que ça paye les infrastructures et tout ça. Donc, beau petit projet qui a pris du temps à aboutir, mais ça a quand même abouti. Donc, je suis vraiment fier de ma municipalité qui a pris la décision de s'en aller vers ça. Puis on est les premiers dans le coin à faire ça. Donc, si vous allez vers l'Ontario, ben, vous pouvez arrêter à Saint-Zotique pour une petite recharge, un petit repas dans un restaurant peut-être. Puis après ça, vous continuez votre chemin. Je fais-tu de la belle pub, Ouais, mon coin? ouais, c'est une très belle pub, mais moi, il y a quelque chose que je veux préciser. Ouais. Tu l'as dit, tu as un peu été l'initiateur de ce projet-là. J'étais heureux de voir que les gens de la municipalité aient reconnu le travail que tu as fait. Tu étais même sur la photo dans le journal, en fait, Ben oui, quand il y a eu l'inauguration. c'est drôle, je voulais pas y aller, parce que j'ai dit, gars, je suis pas un politicien, j'ai pas d'affaires, sa photo. Puis la personne qui est en charge des communications pour la ville, elle dit, non, allez-y, on veut vous avoir sa photo. Puis je pensais pas que ça serait elle qui atterrirait sur le site, parce que dans le journal, le journal, l'article dans le journal qu'il y a eu dans le journal du coin, je suis pas dessus, c'est vraiment le maire et M. Carrière de Azra. Mais sur la photo qui est sur la page Facebook de la municipalité, mais je suis là complètement à droite sur la photo, là. Mais oui, j'ai trouvé ça le fun qu'ils me reconnaissent, même si je voulais pas nécessairement être reconnu. Puis ça a été toujours tout le long du processus, parce que c'est moi qui a présenté les gens d'Azra à la municipalité pour leur dire, regarde, il y a une autre manière de faire ça qui coûtera moins cher et tout ça. Puis là, ben, on a eu une rencontre avec eux autres, j'étais présent. Puis là, ça a cliqué, comme on dit. Puis le projet est allé de l'avant. Mais je les ai dit tout le long, je veux pas de reconnaissance pour ça, je veux juste que ça se fasse. Puis ça s'est fait, puis ils ont voulu me reconnaître, fait que j'ai remercié. Puis c'est une belle municipalité en plus, j'aime vraiment ça rester là. On est sur le bord du lac Saint-François, c'est vraiment magnifique. Les bernaches, des oiseaux, toutes sortes d'affaires, on a ça dans notre coin, c'est vraiment joli. Fait que je suis fier en plus qu'on ait, tu sais, quelque chose pour que le tourisme électrique, parce que c'est une chose, là, il y a des gens qui aiment ça voyager avec la voiture électrique, mais ça prend des bornes pour recharger, mais ben, vont pouvoir le faire ici. On va peut-être en avoir d'autres aussi dans la municipalité plus tard. Fait que c'est le fun. Je trouve ça intéressant. Ouais, puis c'est une belle initiative et c'est la preuve, en fait, que tu n'es pas obligé d'avoir une infrastructure comme celle de Montréal avec 3 millions de fonctionnaires et beaucoup. Tu n'es pas obligé d'avoir des gros budgets comme ceux-là. Si tu veux, si tu as la volonté d'avoir quelque chose d'électrique dans ton coin, ça se fait, il y a des possibilités de le faire. Alors, je trouve que c'est un bel exemple que les gens donnent. Évidemment, là, je pense que de toute façon, les infrastructures vont se multiplier un peu partout. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment un bel exemple. Eh bien, mon cher Luc, je te lève mon chapeau d'avoir travaillé là-dessus. Merci. Puis on va en reparler. On va faire une inauguration. Les bornes vont être installées au printemps. On va probablement faire un petit party là, pour l'inauguration des bornes. On en parlera un petit peu d'avance. Si les gens veulent venir faire un tour, ben vous pourrez venir essayer ça. Puis peut-être. Il y a des affaires dans le coin qu'on appelle les grillades. Là, c'est hyper populaire. Il y aura peut-être des grillades, des affaires comme ça. On va regarder ça avec la municipalité. Je mets pas de pression sur ces gens de la municipalité, là, mais on regardera ça pour faire quelque chose d'intéressant. Venez voir nos bornes chargées, puis venez voir la municipalité en même temps. Chose rapide aussi, j'ai rencontré Shea Weber. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Il y avait un événement à Ford à Valleyfield. Vous l'avez vu à RDS puis à TVA Sport. Shea Weber était chez Prestige Ford à Valleyfield. J'étais là. J'ai pu jaser un peu avec, puis serrer la main. Mon fils l'a rencontré. Il en revenait pas. Un gars vraiment, vraiment sympathique. Là, c'est vraiment intéressant de le rencontrer. Donc, je voulais juste mentionner que j'avais rencontré chez Weber, puis ben, peut-être pas vous autres. Donc, T'es rendu jet set. Ah, la photo dans le journal, tellement. La rencontre avec Shea Weber. Ouais, ouais. Colin, c'est toi qui vas avoir ton étoile sur le Hollywood Boulevard, n'est-ce pas moi? Ouais, j'ai pas d'argent, par exemple. Ça arrivera pas. Mais bon, Marc, on va passer aux choses plus sérieuses. On a 3 essais cette semaine. Tu vas commencer par une petite voiture que tu es allé essayer en Floride, non de moins. Là, tu as vraiment fait d'un bout à l'autre des États-Unis. Tu étais en Floride, tu es parti de là pour te rendre en Californie. Tu as été essayer la nouvelle Smart EV, donc la Smart électrique. Effectivement, c'est un véhicule qu'on attendait depuis un bout de temps parce que c'est un véhicule qui est, comment je pourrais dire, tu sais, c'est une petite voiture urbaine et je pense que ça fait partie de la personnalité même des voitures électriques que d'être relativement urbaine. Ouais. Je pense que c'est un beau symbole dans ce cas-ci et ça, je trouvais ça intéressant. Oui, chose drôle aussi, écoute, c'est que c'est la seule voiture électrique que tu peux avoir une convertible. Oui, effectivement, tu as raison. Ouais. J'avais pas réalisé, mais tu as parfaitement raison. C'est la seule. Et c'est sûr qu'on n'a pas complètement remanié. Moi, je m'attendais, pour être honnête, là, je m'attendais à beaucoup plus d'autonomie. Je m'attendais à ce que l'on ait augmenté considérablement l'autonomie du véhicule, ce que l'on n'a pas fait. Ouais. Je te le dis tout de suite. On dit qu'en Europe, elle est bonne pour 160 km. Oui, mais le cycle européen... C'est ça. Et sur le cycle européen... Il était un peu optimiste. Ouais, on estime qu'ici, ça va être à peu près 145. Ouais. Elle était à 125 avant. Mm-hmm. Bah, c'est, oui, c'est une amélioration, c'est clair. Sauf que c'est évidemment pas une auto qui est faite pour des longues distances. C'est pas une auto qui est faite pour de grandes randonnées. Là. Je m'excuse, j'irai pas à Saint-Zotique avec la Smart électrique. Mais tu pourrais, il faudrait juste que tu recharges avant de repartir. C'est ça, exactement. Ça se fait. Oui, tout se fait. Là. Je pourrais me rendre en Floride à pied de reculons aussi, mais ça ne donnerait pas grand-chose. ce que je veux dire, c'est que c'est pas conçu pour ça. Donc, c'est véhicule qu'on a vraiment conçu pour être utilisé en ville. Nous, on l'a essayé vraiment dans une zone très urbaine, à South Beach, dans le coin de Miami. Ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est qu'on a pris la plateforme de la 4-2 actuelle et on a tout simplement modifié les batteries qu'on a logées sous la surface, comme on le fait traditionnellement. Le moteur est à l'arrière. Alors, tu sais, il n'y a pas rien de révolutionnaire là-dedans. C'est une voiture qui se conduit exactement comme une Smart. Ce qui m'a particulièrement impressionné, je dois le dire, c'est le rayon de braquage qui est totalement hallucinant. Écoute, je pense que je peux faire un demi-tour sur un trottoir. Là. Sérieusement, le rayon braquage est à peine supérieur à 6 mètres. Okay. C'est vraiment petit. Ouais, c'est fait pour être maniable. Oui, totalement. C'est vraiment fait pour se déplacer dans des zones urbaines. Avec ça, tu n'as pas de problème. Évidemment, avec ça, tu as aussi des accessoires assez limités, on s'entend. C'est une Smart. Donc, tu as l'intérieur traditionnel de la petite voiture. Tu as bien sûr un affichage des conditions, c'est-à-dire l'usage que tu as fait de la batterie et tout ça, mais en soi, c'est rien. Tu sais, il n'y a rien de différent vraiment entre la Smart électrique et la Smart 4-2 traditionnelle. Tu n'as pas l'impression là, de conduire une soucoupe volante quand tu es au volant de ça. Là. C'est vraiment un véhicule qui est assez normal dans son usage et dans sa façon de fonctionner. Okay. Tu as toujours les mêmes problèmes de la Smart, là, c'est-à-dire. Oui, c'est sûr que avec la nouvelle génération de la Smart, on a considérablement amélioré le confort intérieur. Ça, vraiment, là, ça valait la peine. Mais pour le reste, c'est pas, comme je te dis, rien d'exceptionnel. Il y a un élément qui est dommage parce que nous, on ne l'a pas en Amérique. C'est, bien sûr, il y a un système de régénération au freinage. Donc, quand tu freines, tu reprends un peu d'énergie pour être capable de recharger ta batterie. Mm-hmm. Or, ils ont créé un système qui est utilisé en Europe, permet en fait de prévoir le trafic. C'est une espèce de comme un régulateur de vitesse intelligent adaptatif, si tu veux. Là. Okay. Et sauf qu'en prévoyant le trafic, il va te permettre de décélérer tranquillement et en décélérant, va augmenter la capacité de régénération de ta batterie. OK. Ouais. Fait que ce que tu peux faire en regardant alentour un peu puis prévoir, la voiture le fait un peu pour toi. Là. Fait que tu peux exactement. Okay. Et elle le fait vraiment sur de longues distances. Ben, nous, on ne l'a pas, ce système-là. Okay. Malheureusement, c'est réservé à l'Europe, mais nous, on a bien sûr les freins qui régénèrent, comme c'est toujours le cas de toutes les voitures électriques. Ouais, ouais, ouais, alors, pour le reste, comme je te dis, c'est pas un véhicule qui a beaucoup changé dans sa façon d'être. La seule beauté de la chose, en fait, c'est qu'on a diminué le temps de recharge, mais c'est un peu particulier parce que la façon dont on nous a présenté les chiffres, c'était de 80 %. Genre de 0 à 80 ou de 20 à 100 %. Mais eux disent, écoutez, on ne charge jamais complètement jusqu'à 100 %, ou on ne descend jamais complètement jusqu'à 0 %. Mm-hmm. Donc, le temps de recharge a été diminué un peu par rapport à ce qu'il était. Mais encore une fois, c'est rien d'exceptionnel. On n'a pas les prix. Il va falloir attendre qu'elles sortent dans quelques semaines, quelques mois. Mais pour le moment, c'est quand même un petit véhicule intéressant. Et comme elle va être admissible aux 8 000 $ de rabais du gouvernement du Québec, bien, ça va faire probablement que ça va être encore une fois la voiture électrique la plus économique à l'achat sur le marché. Ouais, c'est ça. C'est juste dommage. C'est la plus économique, mais c'est aussi la moins pratique parce que c'est un deux places. Le coffre est pas tellement grand. Mais elle a des avantages. Si vous êtes en ville, ben c'est une petite voiture, c'est facile à stationner partout. Puis, comme j'ai dit au début, c'est la seule voiture électrique convertible. Oui, puis écoute, bon, tu sais, j'ai pas une taille de... non seulement j'ai conservé ma taille de jeune homme, mais je l'ai doublée, là. Oui, oui, c'est ça. Tu l'as tellement aimé que tu en as pris deux. Exactement. Sauf que mon collègue avec qui je roulais à ce moment-là, lui, en a comme pris quatre. OK. Fait qu'on va se dire les vraies affaires, là. On avait l'air de deux bonhommes Michelin qui traînaient dans une Smart 4-2. C'était vraiment assez particulier de nous voir aller à South Beach, là où il y a vraiment, là, tu sais, Lamborghini, Bentley et tout ça. Nous, avec notre petite Smart électrique qui fait pas de bruit. Et t'as les deux gros bonhommes qui sortaient de là. On s'est pas mal fait remarquer, mais c'est une auto qui va être le fun, je pense, à avoir. Pour quelqu'un qui fait vraiment de la ville, là, c'est parfait. Super. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos deux autres essais de la semaine. Avec plaisir, mon cher. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, t'es vraiment vert cette semaine. C'est presque surprenant. tu vas nous parler présentement de la nouvelle Chrysler Pacifica, mais la version hybride. C'est comment? Oui, t'as raison, je suis tout à fait vert, y compris dans le teint. Oui, ouais, c'est ça que tu disais, quand t'es un petit peu fatigué. Mais la Pacifica, mais elle... Non. Mais la Pacifica, écoute, moi, au départ, je dois le dire, j'aime la Chrysler Pacifica. Je trouve que Chrysler a vraiment fait un magnifique travail avec ce véhicule-là. On a tous conduit des minivans qu'on a tous trouvé méga plates. Dans plutôt. Ce cas-ci, ouais, c'est ça. C'est vraiment là, c'est comment je pourrais dire, c'est des mom's cars, des soccer mom cars. Ouais, c'est pas l'apogée du plaisir de conduire, mettons. Là. Non, c'est, ouais, ça. C'est ça. Et pourtant, avec le Chrysler Pacifica, on a vraiment fait un bon travail. D'abord, au niveau de la silhouette, on a fait quelque chose de vraiment plus cool, plus profilé. C'est encore une minivan avec les portières latérales coulissantes, là, mais ça demeure quelque chose de plus intéressant. L'intérieur est extrêmement bien fini. On a vraiment des beaux tableaux de bord, belle qualité de finition. Et même la conduite de la version originale est intéressante. Et surtout, il y a une tonne et demie d'équipement. Oui, il y a un prix qui vient avec, mais il y a tout ça. Là, on arrive avec une version hybride. Ce qui est intéressant, hybride branchable d'ailleurs, c'est la seule dans sa catégorie. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Non. Si tu veux quelque chose de cette nature-là, il faut que tu ailles vraiment dans les véhicules de luxe. Là. Je pense au Volvo XC90 branchable, par exemple, ou des choses comme ça. Si vraiment tu es masochiste, tu vas t'acheter un Tesla Vandalix. Mais, donc, il y a des possibilités, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus dispendieux. Ben oui, c'est sûr. Et dans ce cas-là, la façon, la technologie qu'on a utilisée, elle est assez simple. On a un moteur à essence, évidemment, c'est le moteur V6 3.6 Pentastar qui est déjà dans la Pacifica traditionnelle. Mm-hmm. On l'a un petit peu modifié et aux côtés de ça, on a une transmission, et je le dis bien, une transmission dans laquelle trône le moteur électrique. Okay. Donc, on a jumelé la transmission et le moteur électrique ensemble, on ne l'a pas mis aux roues. Alors ça permet donc, bien sûr, c'est une transmission CVT, là, tu auras compris qu'il n'y a pas de changement de rapport là-dessus. Et ça te permet d'avoir quand même une autonomie intéressante avec des batteries de 16 kWh qui sont logées dans le plancher, d'avoir une autonomie de 48 km en mode 100% électrique une fois que tu l'as branché. Okay. Je dois te dire que c'est une évaluation qui m'apparaît assez pessimiste. Tu penses qu'elle peut faire plus que ça? Moi, j'ai fait plus que ça. Ah ouais? OK. Ouais, moi, j'ai fait 54 sans aucun effort de hyper mileage, là. Okay. Vraiment pas. Conduite normale, là, sans faire trop attention. Sans faire du tout attention. Okay. J'ai jamais regardé quelles étaient mes cotes au niveau... Parce que t'as toutes sortes de tableaux qui te permettent d'évaluer là où t'en es, comment tu conduis, tu freines-tu trop fort ou pas. Mais j'ai jamais regardé ça. Nous, on conduisait, on était sur des routes sinueuses en Californie avec des côtes, des courbes. Et je peux te dire que, bon, j'ai pas vraiment fait attention. Ce qui est intéressant, c'est que comme les batteries sont au milieu, le centre de gravité est assez bas, ça te permet donc d'avoir une conduite vraiment plus agressive, en fait, que en général, un hybride, on aurait pu s'y attendre. OK, c'est bon. Du côté des bonnes nouvelles, parce que la batterie est de 16 kW, tu es admissible au montant total de 8 000 de l'aide financière gouvernementale du Québec. Ah, ce qui est bien, parce que c'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux, donc 8 000, ça aide. Exactement. On parle de 56 495 $ moins 8 000 $ tu tombes bon, à 48 000 quelque chose, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du modèle à essence. Oui, c'est ça. Or, dans ce cas-là, elle est beaucoup plus équipée que le modèle à essence. Elle arrive avec le fameux système le Uconnect Theater en arrière avec les écrans individuels. Tu sais, tout est là. La seule chose, en fait, il y a deux choses qui n'y sont pas. La balayeuse embarquée. Oui, bon. Elle n'est pas là parce qu'il faut mettre les composantes électriques quelque part. Et l'autre affaire qui n'est pas là, c'est le stow and go. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. On perd sûrement le stow and go vu que tu disais que les batteries sont dans le plancher. Exactement. Ouais. Tu perds le stow and go de deuxième rangée. La troisième rangée, elle, les sièges se replient toujours dans le plancher. Donc, tu as quand même un espace à plat. Tu peux quand même enlever les sièges de deuxième rangée, mais là, évidemment, il faut travailler un peu plus fort. Là, ils payent 70 livres chaque. Mais la beauté, c'est qu'ils sont beaucoup plus confortables que ceux du Stow & Go. Okay. Les sièges du Stow & Go, là, c'est en carton mâché. Évidemment, on n'a pas le choix. Il faut les mettre assez petits pour pouvoir les rentrer dans le plancher facilement. Ouais. Donc, Donc, on fait le compromis du confort. On arrive là avec des sièges qui sont beaucoup plus enveloppants, beaucoup plus intéressants. Alors, dans l'ensemble, c'est une Chrysler Pacifica dont j'ai vanté les mérites, avec un moteur électrique qui est capable de faire 48 km, comme je te dis, même plus, et qui a un système de régénération, j'en ai parlé pour la Smart, qui est aussi efficace sur la Chrysler Pacifica. On a descendu une bonne côte. OK, je t'admets que c'était une pas pire côte, là, à durer quelques minutes à descendre. Mais je suis passé de 0 à 17 % de recharge en descendant la côte, par exemple. Ah, régénération, oui, oui. Mais écoute, c'est 17 %, c'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est un véhicule qui a été bien conçu, bien pensé. Aujourd'hui, tu me demandes, tu as une mini-fourgonnette à t'acheter, est-ce que tu achètes la version à gaz ou la hybride? Clairement, j'opte pour la hybride. Mieux équipée, mieux outillée, puis à peu près le même prix qu'une des versions à gaz, un peu moins bien équipée, je te dirais. C'est sûr, ça demeure dispendieux. Il y a des Pacifica à 39 000 $ maintenant. 46 000, ça demeure quand même assez dispendieux. Si vous en avez les moyens, c'est vraiment un excellent choix. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle a toutes les qualités de la Chrysler Pacifica, plus, en plus, un 8 000 $ de rabais et une consommation de 2,9 litres au 100. Pour un véhicule de cette taille-là, c'est intéressant. Oui, c'est assez intéressant, justement, surtout quand tu dis, tu sais, le rabais gouvernemental vient comme rajuster le prix au prix d'une voiture normale. Ça, ça vaut presque pas la peine de vendre le modèle régulier. Ah non, effectivement. Puis honnêtement, en Ontario, là où le tarif est de 14 000 $ pour l'aide financière gouvernementale, c'est moins dispendieux d'acheter la hybride que d'acheter la version à essence. Ouais, ah, c'est un bon move. On verra comment populaire ça va être quand ça va être disponible, j'imagine, bientôt, là. Oui, mais tu sais, on parle d'ici la fin de l'année, il va y en avoir quelques-unes. Les vraies quantités vont arriver à partir de janvier, mais on s'entend, ça demeure une minivan à 50 000 $. Ouais, c'est un fait. Toi, tu as essayé d'autres choses d'un peu moins vert, par exemple. Un peu moins vert, un peu plus luxueux. Plus luxueux, on verra. Moi, j'ai essayé la Cadillac CT6, qui est la grosse voiture de chez Cadillac. Je dois avouer, je sortais de la Cadillac ATS quand j'ai été ramassé la CT6, donc j'étais pas vraiment excité parce que je savais que je passais dans quelque chose de plus classique, de plus luxueux, mais tu sais, de moins puissant puis de peut-être un peu moins fun, là. Mais ça reste une voiture qui est excessivement bien construite, une voiture qui est excessivement silencieuse, une voiture qui est belle, l'intérieur très bien fini, des options là. J'avais les deux moniteurs dans les appuie-têtes pour les passagers arrière. Puis avec une télécommande, je cherchais comment ouvrir les écrans parce que mon fils et ma femme voulaient absolument savoir comment ça fonctionnait. Puis ben moi aussi, tu sais, je voulais m'amener, tu sais, tu veux faire une critique d'un automobile, tu veux voir comment ça fonctionne. Donc là, je cherchais comment lever les écrans, puis je trouvais pas. Puis à un moment donné, je descends la coudoir centrale. Dans la coudoir centrale, il y avait la télécommande. Là, paye sur le bouton, les écrans sortent de mécaniquement là, des sièges, puis là, tu peux faire jouer un film ou des choses comme ça. Vous pouvez faire lire des films de clés USB ou de différentes sources, puis où il y a un lecteur DVD qui est caché au pied de la coudoir centrale, là, vraiment, où les passagers arrière sont assis. Au pied, il y a un lecteur Blu-ray qu'on peut mettre des films aussi là-dedans. Ma femme et mon fils ont écouté un Blu-ray pendant que moi je conduisais pour aller chez mon père une fin de semaine à Mirabel. Donc, ils ont utilisé le système et je dois avouer, le système de son est meilleur que ce que j'ai dans ma salle de cinéma. C'est vraiment incroyable. Le son qui sortait de là, c'était vraiment super bon. Puis, ben, moi je conduisais puis je regardais pas le film. À l'arrêt, si tu mets la voiture sur park, le film commence à jouer sur l'écran central. Aussitôt que tu mets ça sur drive pour avancer, c'est fini. Final bâton, ça s'éteint. L'écran devient des sélections, là, si tu veux changer de poste, des choses comme ça. T'as plus accès à regarder le film. Mais ça, c'est normal. On veut quand même pas regarder un film quand on conduit. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment super, super bien. Côté confort, c'est une Cadillac. C'est comme rouler sur un nuage. Moi, j'avais pas la version avec les. Il y a trois motorisations, là. Il y a un moteur 4 cylindres turbo, il y a un V6 biturbo, puis il y a un V6 atmosphérique. Moi, j'avais la version avec le V6 atmosphérique, donc le V6 ordinaire, ce qui est quand même un V6 très puissant. Là. C'est un V6 de 3. Je suis en train de ressortir les détails, j'avais tout ça tantôt. C'est un V6 de 3,6 litres qui développe 335 chevaux puis 284 livres-pieds de couple, tandis que le 3 litres biturbo, c'est 404. chevaux puis 404 livres pieds de couple. Puis si on voit que ça marche. Ça marche solidement. Oui, j'imagine. Mais la CT6, en fait, c'est pas pour ses capacités de puissance que tu vas la chercher. C'est vraiment pour le look et le confort. Moi, je trouve que c'est une des très belles voitures sur le marché. J'aime la façon dont Cadillac a créé ses arêtes avec des phares. C'est vraiment magnifique. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail. Et la façon dont les écrans sont placés à l'arrière, tout est pensé dans l'ergonomie. Les écrans qui sortent des sièges arrière, moi j'adore ça. Oui, c'est vraiment super joli. La seule chose que je pensais quand j'ai voyé rentrer puis sortir, j'ai dit, un de tes enfants décide qu'il te sac un coup de pied sur le siège en arrière puis ça vient de te coûter une fortune parce que remplacer les écrans, ça doit pas être quelque chose de très, très abordable. Mais tu sais, c'est dans l'extrême. Là. Tu regardes les films avec les enfants qui kickent les sièges tout le temps, tu dis, pas celui-là, s'il te plaît. Mais ouais. Oui, comme tu dis, c'est magnifique. La calandre, la grille avant est vraiment belle. Il n'y a pas si longtemps, je trouvais que les grilles de Cadillac étaient vraiment comme un peu trop. Mais ils sont rendus avec des grilles qui sont vraiment... Tu sais, c'est classique, c'est joli, peu importe sur quel modèle qu'ils font. Les phares avec, comme les espèces de lignes d'ailes qui descendent sur le côté des ailes, qui vont jusque dans le pare-choc, puis qui viennent chercher les phares anti-brouillard qui sont aussi à DEL. C'est vraiment magnifique. C'est une voiture qui est belle. C'est une voiture qui va faire tourner les têtes. Est vraiment magnifique. L'intérieur, c'est pareil, là. C'est vraiment super joli. Il y a même un endroit pour recharger ton téléphone dans la coudoir centrale. On glisse le téléphone, on le branche. Il y a des places pour passer les fils, pour pas qu'on ait des fils qui traînent un peu partout. J'ai vu des constructeurs qui te mettent toutes sortes de technologies dans l'auto. Puis là, ils te mettent un fil USB pour brancher ton téléphone dans la coudoir centrale, mais tu es obligé de pincer ton fil entre le couvert puis le bord de la coudoir centrale, parce que personne n'a pensé de faire une petite craque juste pour que je puisse passer mon fil. Cadillac a tout pensé à ça. Les sièges ajustables d'à peu près toutes les manières qu'on veut, confortables. Je veux dire, j'aurais pu faire des kilomètres et des kilomètres dans cette voiture-là, puis jamais, je me serais fatigué, là. C'est juste une voiture qui est vraiment, vraiment intéressante pour rouler longtemps. Puis comme j'ai dit, elle est vraiment magnifique. Les écrans à l'intérieur, grand écran central pour le système de divertissement, écran tout numérique aussi pour ce qui est cadran de vitesse et RPM et tout ça, jauge à essence, c'est tout numérique. Puis il y a une espèce d'animation quand on démarre. C'est presque qu'on allume la voiture. On démarre plus une voiture maintenant, c'est comme allumer un iPhone ou avec un bouton poussoir. Puis il y a une espèce d'animation qui part de l'écran où ce qu'on a nos cadrans, puis qui va jusque dans l'écran central. C'est vraiment fluide, là, c'est vraiment joli. Les piqûres, les coutures dans les sièges et tout ça, c'est vraiment une voiture qui est magnifique. Ça fait du bien de voir des belles Cadillacs, des Cadillacs que quelqu'un qui est... Ça a toujours été... Cadillac, c'était une marque de voiture pour personnes âgées, puis il essaye de rajeunir un peu cette image-là depuis un bout de temps. Puis ça a été difficile de reprendre un peu une image un peu plus jeune. Puis je pense qu'ils sont en train de faire vraiment un beau travail avec le XT5, avec la CT6, avec la nouvelle ATS, V ou pas V. L'ATS régulière, c'est une magnifique voiture aussi. J'en ai croisé quelques-unes dernièrement. Il y en a sur la route. Ce que tu voyais pas vraiment des Cadillacs là, pas si longtemps. Il y a beaucoup de Cadillac ATS sur la route. Cadillac est en train de reprendre sa place, puis je trouve ça le fun. Puis tu vas reprendre ta place en faisant des belles voitures. Puis je pense que la CT6, comme voiture fort, là, présentement, c'est vraiment un travail colossal. Le coffre là-dedans, j'ai ouvert le coffre un moment donné pour aller voir qu'est-ce que ça avait l'air. C'est presque un appartement, là. C'est énorme. Il y a de la place, c'est confortable. Vous voulez faire de la route, vous avez du stock à mettre là-dedans. Zéro problème. C'est vraiment une voiture incroyable. Donc, tout à fait d'accord avec toi, mon cher. Ouais, sauf prix. Si on regarde le prix, ben là, ça aussi, c'est un peu incroyable. Le prix commence à 63 995. Là, on parle, c'est la top du Cadillac pour l'instant, c'est la plus grosse Cadillac. Et puis, mon modèle d'essai était 80, un petit peu plus que 80, parce que j'avais toute la technologie possible et imaginable dedans. Là. Mais c'est vraiment une merveilleuse voiture. Puis comme j'ai dit, le système de son là-dedans était meilleur que ce que j'ai dans ma salle de cinéma. Bon, fait que ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, bravo Cadillac. J'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup la CT6. Donc, Marc, on va faire une autre petite pause. Puis on va revenir avec ta visite à Los Angeles. Oui, pas de problème, mon cher. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est maintenant l'heure que tu nous parles du salon de Los Angeles. J'avoue que j'ai pas eu le temps de suivre ça du tout, dû à mon retour au travail après quelques temps d'absence pour des raisons personnelles. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de suivre ça. Je vais écouter ça en même temps que nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant cette année au Salon de Los Angeles? Salon qui commence à prendre de plus en plus d'importance là, dans l'univers du salon automobile. Puis c'est aussi comme ce qui part les nouveaux salons pour l'année, presque. Même si on finit l'année, c'est comme le premier gros salon. Oui, effectivement. Oui et non. C'est-à-dire que tu as le salon européen qui est soit Paris, soit Francfort en septembre. Oui. Et par la suite, le premier gros, c'est vraiment Los Angeles. Cette année, c'est un salon où il y a quelques nouveautés intéressantes, mais honnêtement, c'est un des salons où, en me promenant, je me disais, mon Dieu, il n'y a rien. Okay. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Okay. Et en même temps, quand tu fais la liste, tu dis, ben, il y en avait peut-être un peu plus que je pensais. Tu sais, parmi les nouveautés, par exemple, c'est parce que l'idée, c'est que beaucoup des manufacturiers ont procédé aux annonces avant même la tenue du salon. Ouais. Alors moi, par exemple, je suis arrivé un peu plus tôt. Et je me suis retrouvé dans un événement, écoute, où je me suis senti d'une vieillesse incroyable. On parlait d'Hollywood Boulevard un peu plus tôt, c'est tout à fait exact. C'est là que se déroulait l'événement avec Ford. On avait un gars qui s'appelle DJ Khaled, que moi, personnellement, je connaissais très peu. Je le connaissais de réputation. C'est un rapper. Ouais. Et on a eu droit à un show de rap pendant 45 minutes. Au cours du show, on a dévoilé le nouveau Ford EcoSport. Ouais, EcoSport qui est en vente en Europe depuis un bout de temps déjà. Là. Depuis 2003, ouais, en fait. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est l'EcoSport? C'est une espèce de multisegment utilitaire sport qui est monté sur la base d'une Ford Fiesta. Ouais. Et évidemment, il est un peu plus gros, un peu plus relevé. C'est dans la veine des mini, des utilitaires sport sous-compacts qu'on a actuellement. Là. Mazda CX-3, Honda HR-V et tout ça. Donc, on a vraiment joué cette carte-là. Un véhicule qui est intéressant en termes de look. Il ressemble à un mini Edge, je te dirais. La partie avant, le museau, là, l'espèce de museau très court, un peu costaud, là, ouais. Ça donne cette allure-là. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai pensé mini Escape, là, avec la nouvelle calandre de l'Escape. Ça ressemble beaucoup aussi à un Escape. Mais oui, c'est un beau VUS. C'est pas laid. Là. Non, c'est pas laid du tout. Et comme je te dis, c'est vraiment, quand tu regardes, il y a plus la forme, je trouve, du Edge. Okay. Sous le capot, écoute, on sait qu'il y aura deux moteurs, un 1.5 3 cylindres EcoBoost et un 2 litres 4 cylindres. Mm-hmm. On ne connaît pas la puissance, on ne connaît rien. En fait, on n'a pas voulu nous le dire parce que, comme ce n'est pas encore accepté par le gouvernement américain, on n'est pas encore rendu là. Et on sait que ça va être jumelé à une boîte 6 vitesses automatique, mm-hmm, qui n'est pas la même que celle que l'on utilise actuellement pour la Ford Focus et contre laquelle il y a actuellement un recours collectif, je te le rappelle. Ah, OK. Ce que j'ai lu aussi, c'est que l'EcoSport, si on choisit le moteur 2 litres, on va automatiquement avoir le all-wheel drive, donc 4 roues motrices. Exactement, okay. Alors que l'autre est en 2 roues motrices. Alors, ouais. C'est un petit véhicule qui est polyvalent et qui est fait vraiment... On espère être en mesure d'aller chercher avec ça, je te dirais, à la fois les baby boomers qui sont maintenant des empty nesters, les gens donc qui ont plus d'enfants à la maison, et on espère aller chercher les millennials, les milléniaux, les jeunes, et c'est pour ça qu'on avait opté pour DJ Khaled, ouais, et son lancement sur Snapchat. Je peux aussi te dire que le rap, c'est plus de mon âge. J'en ai eu la preuve. J'ai été très heureux de participer à l'événement. Il y avait des jeunes qui sautaient, qui dansaient partout et qui connaissaient les paroles de chansons. Moi, ben, après 15 minutes, je cherchais une table pour aller manger. Mais tu sais, on n'a pas. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est ça. On n'a pas les mêmes priorités. Non. Il y a quand même des véhicules qui ont attiré l'attention aussi au Salon de Los Angeles. Moi, mon préféré, c'est un concept. C'est le E-Pace de Jaguar. Oui. C'est un véhicule qui est absolument spectaculaire. Mm-hmm, beau petit j'ai vu quelques photos, très jolies. Écoute, il est incroyable. Véhicule 100% électrique qui va être produit en 2018. Okay. On estime deux moteurs de 200 chevaux chacun, donc 400 chevaux, 516 livres-pieds de couple, 0-100 à peu près en 4 secondes, autonomie 350 km. Bref, c'est vraiment un véhicule qui est tout à fait dans l'air du temps. Mais il faut le voir, ce n'est pas que la technologie, c'est vraiment le design. Il faut dire que le designer, Ian Callum, qui était là, expliquait que La beauté de la voiture électrique, en fait, c'est qu'elle n'est pas limitée par un moteur à essence qu'il faut que tu caches sur un capot. Tu n'es pas limité par aucune obligation traditionnellement mécanique. Alors, ça nous donne donc, ça leur donne donc beaucoup de possibilités et Ouais. c'est vraiment très cool. C'est vraiment très agréable. Ben, hâte de voir le prix, par exemple, ça ne sera pas abordable pour monsieur et madame tout le monde, mais bon, regarde. On parle d'à peu près, écoute, ils ont donné le prix en euros, on parlait de 75 000 euros. Fait que c'est 100 000 piastres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend, c'est un VUS 100% électrique. Bon, on nommera pas de nom, mais le modèle X est quand même à 180 000. Bon, ouais, c'est probablement une compétition pour le modèle X plus qu'autre chose. Exactement, Ouais. mais vraiment avec un style qui fait passer le modèle X pour un char des années 50. Bon, le modèle X, j'adore, j'aime Tesla. Là, je suis pas un Tesla hater, là, mais le modèle X, je suis pas capable. C'est comme une. Non. C'est. Non. Tu mets ça pour un Non, Pontiac Aztec à un côté de l'autre, puis j'y trouve à peu près similaire. Là. Je trouve qu'il y a des lignes qui se ressemblent. Là. Je sais pas. Des lignes qui me reviennent pas dans le modèle X, mais regarde, c'est OK, je commenterai personnel. pas sur l'aspect, ça va Non, je être sais, t'en as eu un. Bon, on passe à autre chose. Alors, dans la série des nouveautés, et celle-là, je sais que tu la trouves absolument extraordinaire, c'est le Nissan Rogue One Star Wars Edition. Ouais. C'est, on a fait un, écoute, ce qui se passe, tu le sais, puis je sais que tu dors plus là, en attendant le fameux le Rogue One. Le Star Wars Rogue Je One à l'affiche le 16 décembre. Je suis c'est disponible pour faire ça. des annonces de TV si vous voulez. Et là, je sais que toi, tu dors plus. Donc, c'est pour profiter de ça. On a voulu faire un coup de marketing. Il y a donc une association entre Nissan et Star Wars. C'est la première fois que Star Wars accepte de mettre son nom sur un véhicule. Le nom est directement là. Ce qu'il y a, c'est essentiellement des badges. On n'a pas du tout changé la mécanique. Il n'y a rien de modifié. Il y a des badges, il y a des tapis, il y a des logos un peu partout. Il y a des signes un peu partout. Et on te donne un casque. OK, Avec. le casque que j'ai vu dans ta photo, ça vient avec. OK. Exactement, le casque du Death Trooper, il est avec. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment partie du coup de marketing. Le seul bémol, il n'y en aura que 400 au Canada, mon ami. Donc, tu es peut-être mieux de te dépêcher pour commander le tien si Ouais. tu veux avoir le casque. Ouais, mais c'est pas, j'ai regardé un peu certaines photos, puis ça a juste l'air de badge collé dessus. Ça, je sais pas, il a pas l'air si spécial que ça à mes yeux, là. Tu sais, c'est Non, non, comme, c'est un effectivement. Rogue, on a collé des badges dessus, on a mis des stickers de Star Wars dessus. Achetez-les. Il y a Tu l'intérieur, mais sais, il y a c'est rien. non, non. Effectivement, on n'a rien modifié là. Tu sais, C'est un coup de marketing. tu m'aurais mis des sièges avec une surpiqûre différente ou des couleurs ou tu sais, un trim de cuir. C'est des sièges en tissu, quoi. Dans un porte-gobelet, il y a le logo Empire, le logo Rebelle. Dans l'ouverture de porte, c'est marqué Star Wars. J'ai pas été. T'sais, ça me fera pas courir chez un concessionnaire Nissan pour aller m'en acheter un parce que je suis un fan de Star Wars. Mais bon, Oh, regarde. je suis un peu déçu de toi. En tout Je suis cas, dur à convaincre, hein. mais la vraie nouveauté, en fait, chez Nissan, c'était pas ça. C'était davantage la Sentra Nismo, avec un nouveau moteur de 188 chevaux, 177 livres-pieds de couple. Donc, c'est vraiment, avec une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique à variation continue, ça, c'est vraiment un véhicule qui va être plus intéressant, qui devrait attirer plus de monde, parce que, bon, on le sait, là, la Sentra n'est pas nécessairement le modèle le plus puissant et le plus vendu chez Nissan. Non, je la trouvais jolie avec le petit habillage Nismo, là. Je trouvais Oh, que c'était c'est ça. Avec intéressant. le kit aérodynamique et tout, là, ça, c'est évidemment, ça paraît beaucoup. Ouais. Il y a Honda qui a présenté enfin sa Honda Civic SI. C'est-à-dire qu'on a repris le même design, le même standard que la nouvelle Honda Civic. La SI, on dit qu'elle sera la plus puissante des SI jamais produite. Ouais. Moteur 1,5 litres turbo dont on n'a pas annoncé la puissance encore parce qu'on n'est pas rendu là. Il faut le faire approuver. Donc, on n'a pas ces détails-là. Mais on dit que ça sera la plus puissante, suspension adaptative, boîte manuelle. Donc, on aura plus de détails au cours des prochains mois. C'est quand même, on le regarde, là, on voit que c'est une voiture de performance par rapport à l'autre. Si t'aimes le design de la Civic actuelle, tu vas aimer celui de la nouvelle SI. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, c'est une voiture magnifique, mais c'est drôle parce que avec la Civic Honda, on dirait que c'est comme la C'est comme le dévoilement qui finit plus. Ils ont montré la Civic verte à New York. Après ça, bon, ils ont lancé la Civic 4 portes, là, avec la Civic 2 portes. Là, on a lancé la version hatchback. Là, on lance la SI. Là, on va lancer la SIR. La Tipper. Fait qu'à un moment donné, c'est comme on lance la même voiture plusieurs fois. Mais la SI, c'est quand même une voiture mythique là, dans l'univers de Honda. La Civic SI, c'est comme un classique. Là. Fait que c'est sûr que ça va se vendre et tout ça, mais j'ai hâte de voir la Tipper, franchement. Là, c'est la voiture qui... Moi, j'ai vu le prototype de Tipper, puis ça promet d'être fort intéressant. Ouais. Dans les autres nouveautés qu'on avait aussi au Salon de Los Angeles qu'on attendait, c'est le Mazda CX-5. En fait, le petit multisegment, on l'a considérablement remanié, même si quand on le regarde un coup vite, on se fait « Ah, oh, tu sais, ça n'a pas tant changé ». En fait, oui, il a changé pas mal. On a joué beaucoup avec la carte du design. On l'a rapproché énormément de ce qu'on a fait avec le CX-9. On est rendu avec un véhicule qui est beaucoup plus mieux ramassé, je te dirais, dans son ensemble. Il va arriver aussi, et ça, c'est la grande nouvelle, avec un moteur diesel 2,2 litres. On ne connaît pas encore la puissance, mais c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est depuis le temps que Mazda nous annonçait un moteur diesel, oui. Je pense que là, ce sera fait. Alors, le look extérieur est changé, le look intérieur est changé aussi, on l'a modernisé. Nouveau moteur diesel, le système de G-Vectoring, on en a déjà parlé, c'est un système d'aide à la direction beaucoup plus précis. Et regardez le rouge, c'est difficile à voir sur les photos parce qu'évidemment, les éclairages de salon, c'est toujours un peu nul, mais ils ont créé un rouge cristal brillant qui est absolument incroyable, qui est spectaculaire, uniquement pour les modèles comme ceux-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Alors, ça aussi, ça fait partie des nouveautés. Et une dernière nouveauté dont je vais te parler rapidement, Chevrolet Colorado ZR2, c'est le nouveau le Colorado qui est la façon dont, hors route, je te dirais, là, c'est le nouveau... En fait, c'est le même moteur, on a juste mis des badges et on a juste rajouté des suspensions différentes, mais c'est le Colorado actuel qu'on a vraiment rendu un peu plus extrême avec des plaques de protection en dessous et tout. Alors, encore une fois, là, une des nouveautés du salon. Il y en a eu plein d'autres. Honnêtement, Mercedes Maybach qui est arrivé avec une nouvelle voiture. Il y a plein de choses comme celle-là qui sont arrivées, mais ça, c'était à mon sens les principales nouveautés. Qui sont peut-être aussi des choses qu'on peut se permettre peut-être un jour si on veut. Oui, effectivement. Maybach, je ne pense pas que ça rentre dans nos budgets présents ni futurs. Mais bon. Ben non, c'est sûr que c'est assez particulier comme monde, là, mais oui, c'est vraiment très joli. Super. Donc, Marc, on fait une dernière pause, puis on revient avec notre bloc nouvelles. On a plusieurs choses, pas juste des nouvelles, mais on revient avec notre dernier bloc. Alors, nous sommes de retour. Marc, on va y aller avec notre dernier bloc. Tu as plusieurs choses à nous jaser, quelques nouvelles, mais aussi tu veux nous parler des finalistes de Car and Truck of the Year. Ouais, en fait, c'est maintenant Car, Truck and Utility of the Year. Okay. Alors, on a créé une troisième catégorie pour les véhicules utilitaires parce que on considérait que le camion, c'était quelque chose de différent et ça valait la peine cette année parce qu'il y avait plusieurs camionnettes pick-up qui étaient en nomination. Alors, au niveau des voitures de l'année, trois nominations par ordre alphabétique. Chevrolet Bolt, Genesis G90 et Volvo S90. Comme on le voit, deux véhicules d'assez grand format, plus une voiture 100% électrique, qui n'est toujours pas arrivée sur le marché d'ailleurs. Non, mais la Bolt, en passant, a gagné, je pense, le Motor Trend Car of the Year. Effectivement, aujourd'hui. Elle a gagné le Motor Trend Donc, Car of the Year aujourd'hui. Donc, les gens de GM vont être heureux. Oui, bien sûr. Et honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment ses capacités de conduite qui font le travail. Ou si c'est pas plutôt la technologie qui vient avec. Ce que la voiture représente plus que ce qu'elle est vraiment? Effectivement. Non, moi, je pense peut-être que c'est ça. Okay. Mais bon, pour le reste, c'est quand même un véhicule qui vaut la peine et à mon avis, qui va remporter le prix dans sa catégorie, même si j'ai adoré la S90. C'est bon. Du côté des camions de l'année, il y a plusieurs choix, encore une fois. Le Ford Série F Super Duty, le Honda Ridgeline et le Nissan Titan. Bon, encore une fois, on le voit, c'est assez varié. Parce que c'est le North American Car of the Year, à mon avis, c'est le Ford Serie F qui va l'emporter. Même si les deux autres sont de bons véhicules, on a une tendance à être un peu chauvin du côté de ce prix-là. Ouais. C'est généralement les véhicules américains qui l'emportent. Alors, je ne serais pas surpris que ce soit encore le cas. Ouais. Enfin, du côté des véhicules utilitaires de l'année, Chrysler Pacifica, Jaguar F-Pace et Mazda CX-9. Là, je l'avoue, entre les trois, mon cœur balance. J'ai eu l'occasion de conduire les trois. Je suis tombé en amour avec les trois pour des raisons différentes. Le CX-9 est un véhicule qui est vraiment bien assis. Là, tu sais, c'est un beau véhicule à qui on a donné beaucoup d'importance au niveau de la finition et du luxe. Mm-hmm. Le Chrysler Pacifica, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est assez clair comme mini-fourgonnette. Le Jaguar F-Pace, c'est un petit multisegment qui est vraiment, vraiment le fun à conduire avec un beau design et avec plein de trucs faciles, comment je pourrais dire, à associer à la marque Jaguar, parce que c'est ça que on va faire, mais c'est vraiment un beau petit véhicule, super, super le fun. Puis, ouais, amusant à conduire, puis bizarrement, c'est le seul des trois que j'ai conduit. C'est le Jaguar. C'est vraiment spécial, là. Mais oui, j'ai adoré le Pace. On sait que t'es rendu fancy. Ah, tellement, c'est... tellement. Apporte-moi mon caviar et mon champagne, Gérard. Oui, OK. Alors, voilà. Alors, c'est donc ça qui sont les choix du jury. Je rappelle que le North American Car of the Year est choisi par un groupe de journalistes canadiens et américains. Il y a trois Québécois sur le jury qui font partie d'une association américaine. Ces gens-là vont voter. Le choix va être connu en ouverture du Salon de Détroit au début de janvier. OK, intéressant. C'est quand même tout bien. C'est des voitures qui méritent d'être là, mais on verra ce qui va gagner. Moi, je mettrai un petit 2 sur la Bolt, un petit 2 sur le Ford F-150 ou le F-Series. Dans l'autre catégorie, je suis vraiment mal pris. Je suis très honnête avec toi, là. Je ne saurais pas qui va l'emporter. Pacifica, ben peut-être Pacifica. Ça ferait du bien à Chrysler, encore une fois. On l'a dit la dernière fois, ça ferait du bien à Chrysler de gagner un prix parce que ça fait longtemps qu'ils se débattent puis qu'ils essayent de, tu sais, qu'ils sortent de bons produits mais qu'ils ne sont jamais reconnus. Pour le Pacifica, ça serait le fun. Ça soit le tour. Effectivement. C'est bon. Je pense que ça leur ferait du bien. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Okay. Dans la série des autres nouvelles un peu particulières, on en avait parlé de Audi qui a été accusé de tricherie avec ses transmissions automatiques sur les tests d'émissions polluantes. Mais là, Audi aurait confirmé qu'effectivement, ça aurait été fait de façon volontaire et que, oui, on s'excuse et on espère que personne ne va leur en tenir rigueur. J'ai un petit peu de misère avec l'attitude du groupe Volkswagen de ce temps-ci. Je comprends pas trop où ils s'en vont. Ils ont décidé de lâcher le sport motorisé, le rallye et tout. Alors, je sais pas trop. Ouais. On veut juste donner vraiment... peut-être une image plus verte, là, mais regarde, je veux dire, le rallye puis la course automobile permettent de développer de nouvelles technologies. Fait que, tu sais, va-t'en là-dedans à fond, puis, tu sais, fais un peu, tu sais, quelque chose de nouveau. Lâche le diesel. Tu sais, le diesel, OK, vous êtes fait pogner, va-t'en vers d'autres choses. Vous avez d'autres technologies, mais, tu sais, lâche pas nécessairement toutes, là, mais... je sais pas. Non, mais, je comprends pas, là. Mais ça s'entache. Je veux dire, le nom Volkswagen va être entaché pour très, très longtemps, là. Mais il y a encore les fans de Volkswagen qui vont continuer à en acheter. Mais, tu sais, des nouveaux clients Volkswagen, ça va peut-être être difficile à aller chercher. Effectivement. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais, tu sais, qu'il y a personne qui est à l'abri de mauvaises décisions et de mauvais choix. Dans la série des mauvaises décisions et des mauvais choix, Toyota, par exemple, était poursuivi aux États-Unis et au Canada. Parce que on disait qu'ils avaient volontairement mal protégé les châssis de leurs camions, que ça provoquait de la rouille en abondance sur les châssis. Mm-hmm. Or, 1,5 million de Tundra, de Tacoma et de Sequoia vont être inspectés. Et si les châssis sont corrodés de façon trop abondante, ils vont tout simplement être changés. Oh. Imagine, là. On va changer le châssis du camion. C'est énorme. On parle d'à peu près 15 000 $ US par réparation. C'est vraiment énorme. Toyota a accepté de le faire de son plein gré. C'est-à-dire que, oui, il y avait une poursuite, mais là, ils ont décidé de le faire de leur propre gré. 3,4 milliards de dollars, c'est ça que ça va leur coûter pour faire ce genre de choses-là. C'est un peu hallucinant dans la série des affaires que je suis persuadé qu'il aurait aimé mieux ne pas aller, ne pas faire. C'est complètement débile. Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est toutes des décisions qui se prennent alentour d'une table. Là, quelqu'un dit « Ah, on essaye tout ça » ou « Ah, on fait ça » ou « On coupe-tu là » puis cette décision-là va redescendre jusqu'à la ligne de production, jusque dans le stationnement des gens qui ont acheté la voiture. Puis là, ça remonte puis c'est comme « Gars, ça, cette décision-là, cette petite décision-là va nous coûter des milliards de dollars. » C'est complètement fou. Oh, oui. C'est quand même hallucinant, mais oui, effectivement, c'est un peu à ça que ça ressemble. Et c'est bien dommage parce que ça nuit à l'image de la compagnie pendant des années. Regarde, on verra ce que ça va donner là. Ben, ben ouais. C'est quand même surprenant d'une compagnie comme Toyota parce que les Japonais sont très, très. Normalement, sont très, très by the book. T'sais, sont très. Ils suivent les règles normalement. Puis ils vont sûrement se plier en deux d'excuses devant leurs actionnaires et tout le monde parce que c'est la manière japonaise. Là, mais je veux dire, t'sais, Volkswagen, Toyota, les deux des plus grands constructeurs mondiaux qui se ramassent avec des affaires comme ça. Dans quoi la même année, c'est spécial. Ah non, c'est complètement débile. Ouais. C'est complètement, complètement débile. En tout cas, bref, on en est là, mon cher, dans la série des petites nouvelles un peu plus intéressantes. Toi qui es un amateur de scooter, je suis sûr que le printemps prochain, tu vas te garrocher pour aller acheter la Vespa électrique. Les fameuses Vespa, ces petits scooters italiens là, qui nous donnent tellement de style avec le petit foulard et tout, là. Mais maintenant, ça va être disponible en version électrique. Ouais, c'est Ça parce que va donc. le côté positif, le côté intéressant d'un scooter, c'est que ça fait tellement de bruit que tu réveilles trois pâtés de maison. Mais là, C'est ça. électrique, Mais ça va être là, quoi le but? il n'y aura plus de fun. Non, je Fait qu'on ne réveillerai sait même pas plus mes trop. voisins. C'est comme, ça C'est sert à ça. rien. Alors, il s'appelle le Electrica Concept. Il n'est pas encore en développement. OK. Piaggio qui a décidé qu'il faisait ce travail-là, a décidé de donner les données techniques un peu plus tard. Puis finalement, ben, on verra ce que ça va donner, là, mais je pense un choix très, très, très normal parce que Vespa, c'est un peu iconique dans tous les sens du terme. Et je pense que ça fait partie de ce à quoi on s'attendait, en fait, Non, ouais. de ce Ils qui s'en vont vient. en vendre, c'est sûr qu'ils vont en vendre. Regarde, Ouais. tu sais, mobilité en ville, je veux dire, les scooters, quand tu restes dans un centre-ville, c'est facile à stationner. Tu rentres ça, c'est comme un vélo, presque, tu stationnes ça comme un vélo. Ça te permet de t'enfiler quand même assez rapidement pour te rendre au travail. C'est correct. Puis en plus, ben là, ça polluera pas, ça fait pas de bruit. Mais ça va être. Yeah, c'est une bonne idée, c'est sûr. Là. Je niaise en disant ouais, mais ça fera pas de bruit, ça sert à rien, là. C'est correct, là. Ça pollue pas. Ça va être. Regarde, ça va être une bonne idée. Ça va être de voir combien ça va se vendre. En autant que c'est pas le double d'un Vespa normal. Non, ça devrait pas, là. J'ose espérer que ça ne sera pas. Dans la série des voitures vertes Oui. et vertes, Ferrari qui a décidé qu'il ne ferait maintenant plus que des hybrides. OK. Ouais. Hein? C'est quand même une nouvelle. Moi, Ouais. ça m'a un peu jeté par terre. Ouais. Mais effectivement, ça m'a. Ferrari, à partir de 2020, n'aura plus que des véhicules hybrides et abandonne complètement les transmissions manuelles. Alors, donc, on parle d'une voiture qui va être un peu différente à conduire. Les spectaculaires italiennes vont un peu changer leur vision des choses. Ouais, c'est drôle un peu voir que tu sais Sergio Marconi qui est le grand boss, lui Marchionne. Marchionne qui disait il y a pas si longtemps achetez pas de Fiat 500e parce que je perds l'argent à chaque fois que vous en achetez une. Il s'en va puis il remplace complètement les voitures, toutes les Ferrari vont être des hybrides, on dirait qu'il est comme tu sais électrique non, hybride oui. C'est sûr que la Ferrari est une voiture hybride là, mais pour le reste pourquoi toutes des hybrides? Je sais pas, t'sais, une 458, c'est bien comme c'est là. Pourquoi hybride, mettre d'hybridation dans tous tes modèles, mais bon, ça baisse les consommations d'essence et les taux d'émission. C'est sûr que c'est pas méchant, là. C'est essentiellement pour ça, à mon avis. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on souhaitait du côté de Ferrari, là, être en mesure de faire les choix, parce que tu sais, ils n'ont pas le choix, ils sont surveillés comme tout le monde, et ils ont des normes obligatoires à respecter. Et comme ils veulent augmenter leur production à plus de 10 000, ils vont être soumis aux mêmes normes que les grands constructeurs américains. Alors l'idée d'avoir une Ferrari hybride, ça sert à ça. Ça sert à faire descendre ce principe-là. OK. Bon, mais regarde, c'est quand même louable. Ils vont polluer un petit peu moins. C'est pas si pire que ça. C'est juste, c'est plus la Ferrari classique avec le V12, tu sais. On s'en va hybride et tout. Mais regarde, faut avancer dans le temps, tu sais. Faut se moderniser. Fait que, OK, regarde, on verra ce que ça donnera dans un avenir rapproché. De toute façon, j'aurai jamais l'argent pour acheter une Ferrari. Donc, ça, personnellement, ça m'affectera pas directement. Arrête, tu sais pas, là, tu vas peut-être gagner à la loterie, puis tu vas Ben. soudainement devenir hyper riche. Avec mon étoile sur le Walk of Fame. OK. Exactement. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te jaser, te contacter, comment font-ils cela? sur Facebook ou je pense que c'est la méthode la plus facile. Sinon, sur les sites de NetMedia 360, EcoloAuto.com, VUSMag.com, LuxuryCarMagazine.com ou AutoFeminin.com. C'est le meilleur endroit pour me lire. Et comme je dis, me contacter sur Facebook ou sur Twitter, Marc Souligné Bouchard. C'est bon. Sinon, on a notre adresse courriel qui est info@saroulradio.com. Vous pouvez aussi voir notre site saroulradio.com. On a aussi une page Facebook Saroule Radio, un compte Twitter Saroule Radio, et moi personnellement, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Et ça fait pas mal le tour. Donc Marc, je te remercie beaucoup encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi, même avec notre 3 heures de décalage et ton petit inverse de fatigué. On va se reprendre pour la semaine prochaine. Et à vous les auditeurs, mais je vous dis merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté cette émission et un petit peu de nos balivernes. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.